Les petites histoires de Tell Me. Le slip magique. Chaque nuit, je rêve que je vole. Je perçois le souffle du vent, le goût de l'air. Je file à toute allure à travers des nuages plus doux que du coton. J'ai aidé des chevaliers à combattre des dragons millénaires. J'ai repoussé des tas de super vilains. Et une fois, j'ai même défendu la Terre contre une invasion d'aliens. J'adore mes rêves, parce que ça me change de la réalité. À Saint-Castor, tout est mort. C'est le slogan que j'entends dans la bouche des grands. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire, surtout l'été. La ville est presque déserte. Le seul endroit sympa, c'est le grand square, avec son petit terrain de foot. Mais c'est le royaume des grands. Il n'y a jamais de place pour un petit comme moi. Ils disent que je ne fais pas le poids avec mon physique d'allumette et mes deux pieds gauches. Alors je passe le temps en lisant à l'ombre du vieux chêne. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 7 ans. C'est un peu nul d'être né l'été parce qu'il n'y a personne avec qui le fêter. Les copains sont tous partis. Enfin, je suis pas vraiment tout seul. Il y a maman. Elle s'arrange toujours pour prendre sa journée pour qu'on soit rien que tous les deux. Après un petit déj de champion servi au lit, on a joué toute la matinée à la bataille, au Uno et au domino. Ensuite, on a préparé mon vrai déjeuner d'anniversaire. Hamburger, frites maison et banana split. Après le dessert, maman m'a offert un énorme cadeau, l'intégrale de Harry Potter. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a donné une mystérieuse enveloppe cartonnée avec mon nom écrit en lettres arrondies et douces, comme celle de la maîtresse. À l'intérieur, il y avait un slip, accompagné d'un mot « Ce slip devrait vous aller comme un gant ». Avec son tissu rouge parsemé d'étoiles jaunes et l'énorme éclair sur le devant, j'ai l'impression d'avoir reçu une authentique culotte de super-héros. Je l'enfile direct, une décharge d'énergie parcourt tout mon corps. Comme si elle lisait dans mes pensées, maman me propose de fabriquer une tenue entière. En moins de 20 minutes, j'ai le total look. Un drap de bain comme cap, un bandana rouge sur la tête, un t-shirt jaune, des bottes en caoutchouc avec rentrée dedans, un pantalon de jogging bouffant par-dessus lequel j'ai mis mon slip. Gare à vous les crapules, Fulgurox arrive! En moins de 2, je suis au parc. Chargé d'assurance, je rentre sur le terrain de foot. Les grands arrêtent leur match ahuri. Je leur demande si je peux jouer. Ils explosent de rire. J'insiste en leur disant que c'est mon anniversaire. Ils me répondent que les clowns ne sont pas acceptés. Je leur demande s'ils ont peur de perdre. Silence. Un grand costaud qui doit faire au moins 10 fois ma taille s'approche et me défie en 1 contre 1. Je dois juste marquer un but. Le challenge m'électrise. Un dribble éclair me permet d'effacer l'armoire à glace et de mettre le ballon au fond des filets. L'instant d'après, les grands me soulèvent comme si je venais de gagner la Coupe du Monde. Après mon exploit, les jours se suivent et se ressemblent. Tout le monde veut me défier. Et puis je la vois. Une princesse, de mon âge, avec de longs cheveux bruns attachés en natte et un sourire en coin ravageur. Le terrain de foot disparaît soudainement. On se retrouve juste tous les deux, au pied d'un immense château. Je suis un chevalier qui lui apporte une perle étincelante. Elle la prend, amusée, et puis d'un coup, elle ne tient plus un trésor mais le ballon. On est à nouveau sur le terrain, autour de nous tout le monde est mort de rire. C'est pas parce que je suis une fille que tu dois pas me prendre au sérieux? Notre duel commence. Mon cœur s'emballe, mes pieds s'en mêlent et je me vautre lamentablement. C'est à son tour. J'essaye de lui piquer cette fichue balle, mais elle l'envoie par-dessus ma tête avant de faire une reprise de volée et de l'envoyer au fond des filets. Les grands acclament leur nouvelle championne. Triste et en colère, je quitte le terrain pour m'asseoir sous le vieux chêne. Franchement, t'es pas banane comme footballeur. Je suis nul, oui. J'ai rien pu faire contre toi. Je m'appelle Jade, je viens d'emménager. Toi, c'est Lucas? Ouais. Les grands m'ont dit que t'étais ultra fort, mais faut croire que je suis meilleur. Prends pas la confiance, hein. La prochaine fois, je gagnerai. T'as intérêt à donner le meilleur de toi-même, alors? Elle me tend la main, je la serre, je me perds dans ses yeux verts translucides. Mon cœur s'arrête, puis se remet à battre si vite qu'il va exploser. Je me sens léger, transporté. Ma vue se trouble d'émotion, et puis je vois Jade, stupéfaite. Ça va? Bizarre, ma voix a changé. J'approche ma main de son épaule, une main gigantesque, au bout d'un bras très long et super musclé, moulé dans un t-shirt jaune. Je me suis changé en colosse. Jade bégaye, mon cœur se serre, je m'enfuis. Un clignement d'yeux plus tard, je suis dans les airs. Je vole, si vite que le sol est flou. Je m'arrête entre 2 nuages. Je suis un super-héros, un vrai. Mais comment? Je repense à Jade. Je dois lui parler. Elle pourra peut-être m'aider. Je fonce vers le parc. Un rugissement éclate, comme une avalanche, suivi d'un cri d'horreur. C'est Jade. J'assiste à une scène hallucinante. Dans le parc, un ours en laine gigantesque, vêtu d'un caleçon arc-en-ciel, la menace. Où se trouve le héros slip? C'est moi que tu cherches. Il fait volte-face, oubliant Jade qui en profite pour se sauver. « Tu es fini, héros !»« Je ne vendrai pas la peau de l'ours !» Un sourire mauvais déchire sa tête, laissant apparaître des rangées d'aiguilles acérées. L'affreux se jette sur moi pour m'asséner un coup de poing en pleine figure. Je l'esquive d'un cheveu. Emporté par son élan, le monstre frappe le sol qui vole en éclats. C'est quoi exactement ? Le destructeur de slip disparaît, héros. Une pluie de pattes s'abat sur moi, aussi facile à éviter que de dribbler les grands. Et puis, son point faible me saute aux yeux. Une de ses pattes s'effiloche. Je saisis le fil qui dépasse et je tire dessus d'un coup sec. Si sec que l'ours se met à tourner comme une toupie jusqu'à devenir un gros tas de fils inertes recouverts d'un caleçon arc-en-ciel. Des vivats éclatent. Une foule en délire se presse autour de moi, me félicite, prend des selfies, demande des autographes, me pose 1000 questions. Je reste là, à sourire bêtement, sans savoir quoi dire. Soudain, je sens des picotements, ma tête tourne, mes forces m'abandonnent. Je m'éclipse pour atterrir une seconde plus tard dans une ruelle déserte. Je suis de nouveau Lucas, 7 ans, fan de super-héros. Je rentre chez moi, pas très sûr de ce que je viens de vivre. Je croise Jade, assise sur un banc au pied de ma tour, le caleçon arc-en-ciel de l'ours entre les mains. Tiens, t'as laissé ça derrière toi. C'est ton premier trophée de héros ? Je reste là, bouche bée. Elle pouffe. Je suis soufflé. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel. Racontée par Alice Fraboulet et Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !